Deux heures avant, je claque des dents et à chaque coup, je me sens mou du genou. J'ai plus mes paroles, c'est ça rigole. J'ai la tête vide, c'est sûr ça va être un vide. C'est sûr ça va être un bide. C'est sûr ça va être un bide. J'ai un tic en toc, truc là, c'est le trac. Mon envie en vrac, j'en ai marre, j'crac. J'en ai marre, j'crac. J'en ai marre, j'crac. Je monte sur scène, j'file les partoches, cherche le tempo. Et deux, et trois, et quatre, et j'envoie dehors à 2 centimètres de moi un son aigre, gros comme un micro-ondes. Malgré mon envie, je suis de bois, planté là au milieu de ma prison. J'ai un tic en toc, ce truc là c'est le trac. Mon envie en vrac, j'en ai marre, j'crac. J'en ai marre, j'crac. J'en ai marre, j'crac. J'vois un bavé, paille au bavé, hop. J'vois un bavé, bavé, bavé, bavé, bavé, bavé, bavé, bavé. J'ai un tic en toc, ce truc là c'est le trac. Mon envie en vrac, j'en ai marre, j'crac. J'en ai marre, j'crac. J'en ai marre, j'crac. J'entends dans ma tête une belle musique, des harmonies que le jazz en tête. J'ai des choses à dire, oui mais pas avec des mots. Les sons de la vie m'inspirent, ouais, pour moi c'est bien plus beau. Je voudrais vous faire, oui, plaisir, et que chacun de vous puisse dire, et la petite cantoque, ce gars-là c'est un crack, son envie en vrac, c'est du pipeau son trac, c'est du pipeau son trac. C'est les pipeaux sans trac. Je vais avoir pour ma poupa, oui, boy. Papa, m'aide, ou vous. C'est du pipeau sans Et alors, et maintenant? Bah c'est fini.